Heureusement qu'il est là, lui. mes chers frères, tous ici réunis, prions pour le Seigneur. pretty woman, lying over you, pretty woman. I love my friend, the love is so open. Woman, take care of the other, say she won't tell them, and over.